Donner se dit dare. D-A-R-E. Dare. Donner. Alors, à votre avis, comment dit-on je donne? Do. Oui, bien. Do. Et il donne? Da. Da, oui. En fait, c'est da avec un accent grave sur le a. Donc, da, d-a, accent grave. C'est il donne, elle donne ou bien vous donnez. Comment diriez-vous il me donne quelque chose? Mi dare cosa. Non. Mi da cosa. Cosa veut dire chose. Quelque chose, c'est? Qualcosa. Qualcosa. Donc, il me donne quelque chose. Mi da qualcosa. Voilà, mi da qualcosa. Et maintenant, voyons la question « Pourquoi ne me donnez-vous pas le livre ?» Le livre, c'est « il libro ». L-I-B-R-O. Il libro. Alors, dites-moi, pourquoi ne me donnez-vous pas le livre ? Perché non mi da il libro? Bien. Perché non mi da il libro? Et comment diriez-vous pourquoi ne me le donnez-vous pas maintenant? Perché non mi da ora? Oui, mais ça c'est pourquoi ne me donnez-vous pas maintenant? Je vous ai demandé pourquoi ne me le donnez-vous pas maintenant? Perché non me... C'est ça. Reprenez la phrase depuis le début. Perché non me lo da ora? Très bien. Perché non me lo da ora? Vous voyez que mi lo devient me lo. Apporter se dit portare. P-O-R-T-A-R-E. Portare. Porter ou apporter. Alors, comment diriez-vous je vais vous voir ce soir et je vous apporterai le livre. Vedo. Je vais vous voir. Ah, la vedo. Oui, la vedo. Ce soir. Stasera. Bien, la vedo stasera, puisqu'on ne peut pas dire mot à mot je vais vous voir. On traduit « je vous vois » comme vous l'avez fait ou « je vous verrai » qui serait « la vedrò ». Alors, reprenons « la vedo stasera » et « je vous apporterai le livre ». Et « portero » ?« Je vous apporterai le livre ». Et la... « les » ?« Oui, les ». Parce qu'ici, c'est un « vous » qui, en fait, veut dire « à vous ». J'apporterai à vous. Et ? Et le portero il libro. Oui, voilà. La vedo stasera et le portero il libro. Donc, vous voyez, ici c'est « je vais vous voir » ou « je vous vois » et non pas « je vois à vous ». Donc, on dit « la vedo » et non pas « les ». Aussi, comme vous le savez, le présent s'emploie beaucoup pour exprimer le futur. Donc ici, on peut dire « la vedo stasera e le porto il libro ». Mot à mot, « je vous vois ce soir et je vous apporte le livre ». Et si vous voulez dire « je lui donnerai » en parlant d'un homme, « je donnerai à lui », vous emploierez « gli », qui s'écrit « gli » et se prononce « li », un peu comme dans « lion ». Alors, dites par exemple « je lui donnerai le livre », sachant que « dare » est une exception et qu'il garde son « a » au futur. « Li »« Li »« Li » Daro, li daro il libro. Bien, gli darò il libro. Et traduisez-moi, je vais lui dire pourquoi. Et est-ce qu'on dit « li » ici aussi? Oui, c'est ça. Mais d'abord, comment dites-vous « dire »? Dico. Oui, d'accord. Ça, c'est « je dis » ou « je vais dire ». Donc, « je vais lui dire pourquoi » sera... Gli dico perché. Gli dico perché. Exact. Gli dico, je lui dis ou je vais lui dire. Et si on veut un vrai futur, je lui dirai pourquoi. Comment diriez-vous ça? Li. Li, un peu comme dans Lyon. Li. Oui, mais on ne doit entendre qu'un seul i. Li. Voilà, li. Ce n'est pas simplement un L, c'est un GL qui se prononce un peu comme dans lion ou palier. Li. Là, vous mettiez deux I. Mais il n'y a qu'un seul son I et une seule accentuation. On n'insiste que sur le I. Li. Alors maintenant, dites-moi, je lui dirai pourquoi. Li dirò perché. Li dirò perché. Bien. Et comment dites-vous je veux lui dire pourquoi? Voglio gli dire. Voglio. Non. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un deuxième verbe? Dire? Oui, dire. Quand on a lui dire, que le verbe est à l'infinitif, et qu'on a un mot comme « lui », on colle ce mot à la fin du verbe. Ah oui, « voglio dire lui perché ?»« Dire lui. »« Dire lui. »« Voglio dire lui perché ?»« Je veux lui dire pourquoi ?»